On va parler de la Ligue nord-américaine de hockey avec Monsieur Ligue nord-américaine de hockey, Gilles Péloquin. Bonjour, Monsieur Péloquin. Bonjour, Denis. Gilles, écoute, c'est une chronique assez triste qu'on va commencer parce que j'ai vu ça sur les médias sociaux. Le monsieur, je ne le connaissais pas du tout. Par contre, de ce que j'ai vu comme photo, ça avait l'air d'être un crime de bon monsieur. Puis je sais que j'ai de la parenté à Sorel qui le connaissait aussi. J'ai parlé avec ma cousine. Puis elle dit, c'est vraiment un chic type, un bon vivant. Et que les éperviers ont perdu la semaine dernière. Oui, Normand Gravel était depuis une quinzaine d'années à l'emploi du Service canadien des traversiers entre Sorel et Saint-Ignace de l'autre côté du fleuve, et aussi depuis une douzaine d'années comme monsieur moitié-moitié reconnu au Colisée Carbin lors des événements de la Ligue nord-américaine et plus récemment dans les 6 dernières saisons des éperviers. À l'été également, il faisait beaucoup de camping et d'événements sociaux. Pour le country, il était un des chanteurs country impliqué aussi beaucoup dans le golf. Et jeudi dernier, ce qui est ironique, c'est comme il le faisait tous les jeudis, il allait sur le site de Danny Willett de la Ligue nord-américaine donner ses pointages pour la fin de semaine et avait indiqué vers midi 8 lors de son dîner entre deux traversées de bateau, 5-2 Sorel face à Rivière-du-Loup. À 3h30, lorsque le bateau est arrêté à Saint-Ignace et que lui, en tant que préposé à l'embarquement et le débarquement des voitures et des camions, pesait sur les boutons qui baissent le pont Lévis pour permettre aux voitures, aux camions de quitter pour la terre ferme, est arrivé de nulle part une voiture qui est entrée directement sur lui et a frappé un camion et une voiture. Et malheureusement, il est décédé à son transport à l'hôpital quelques heures plus tôt, et il aurait terminé son quart de travail à 16 heures. C'est malheureux parce que ton heure, tu C'est ne sais ton jamais merci, oui. quand elle va arriver, et lui, baissait le fameux balancier là, pour Ben oui. permettre la passerelle, pour permettre justement aux voitures de quitter. Tu t'attends que ce soit fait normalement, mais tu t'attends pas, comme dans un film d'Hollywood, mon cher Denis, à voir un auto arriver de nulle part. C'est un monsieur de 77 ans qui est en cours en ce moment. On n'a pas eu de Y a-t-il la détails depuis. Il boisson? faut dire qu'on s'en est vraiment pas occupé. On s'est plutôt occupé Ouais. de penser à la famille à Normand Gravel, qui, vendredi soir, a eu une minute de silence au Colisée Carbin, au même moment où on fêtait le retrait du chandail numéro 8 de Christian Ben Deschênes oui, pour ben oui, 17 ben ans dans oui. la Ligue nord-américaine. Et on aurait pu entendre, et le match était présenté sur le web télé de la Ligue nord-américaine, on aurait pu entendre Danny des mouches voler. C'est une belle foule, 1208. C'est un très beau moitié-moitié, on sent, en hommage à Normand Gravel. Et ce que je retiens, c'est que tous les joueurs portaient une espèce de billet moitié-moitié. Ouais, j'ai vu ça, oui. Merci Normand Gravel avec les années de naissance et de décès là, sur ses 57 ans de vie. Et dans l'entrée du Colisée, où il était à la table qui donnait sous les lumières qui allument un but ou la fin d'une période derrière le filet, les éperviers avaient fait mettre un gros collant rouge. Merci Normand pour tes belles années. C'est un geste vraiment apprécié de tout le monde. Ça devait être, il devait avoir beaucoup d'émotions, hein. Ça devait être Beaucoup très d'émotions, émotif, ça beaucoup devait être. d'émotions. Et surtout que les gens ont dit après le match, ça n'a pas été 5-2, 7 points, mais c'était 4-3 en prolongation, 7 points. Et les joueurs l'ont gagné, l'ont souligné pour Normand. Les spectateurs en ont parlé beaucoup sur les médias sociaux. C'était la victoire pour Normand. Et c'est son frère qui a pris sa relève avec son neveu, qui était là habituellement avec lui, pour vendre les moitiés-moitiés, puis il y avait de l'émotion dans l'air et dans les gradins. La famille, les 10, avaient été invités par les éperviers, étaient au match également. C'est samedi qui vient, son service funèbre. Ça va être encore assez spécial dans l'entourage de l'équipe des éperviers et aussi de la famille des traversiers. Et il faut dire que le lendemain matin, vendredi de la semaine dernière au décès, à 8 heures, lorsque les voitures et camions ont quitté pour Sorel, empêcher les autres d'entrer sur le traversier. La famille est allée se recueillir sur la passerelle du traversier avec une gerbe de fleurs. Et comme c'est une coutume qui arrive pas souvent et qu'on veut pas trop souvent, on a fait entendre les 12 coups du bateau pour parler du décès et annoncer le décès de Normand Gravel. Incroyable, c'est d'une tristesse. Y avait-il des enfants, ça? Oui, il avait des enfants, avait une copine et OK. avait trois frères, mais dont deux étaient décédés tragiquement dans les dernières années. Ça s'ajoute à cette tristesse de cette famille Gravel, très connue à Sorel en plus. Ah, regarde, ben, sympathie envers toute la famille. Je pense que, écoute, c'est la façon que c'est arrivé. Et sympathie également aux gens des épaviers de Sorel, Gilles, tu es le descripteur, entre autres. Donc, j'imagine que ça a touché tout le monde à Sorel. Et pas qu'à Sorel, parce que je l'ai senti ici même sur les médias sociaux. Puis on peut voir que c'est un chic type aussi. Puis comme je t'ai dit en début d'entrevue, j'ai de la parenté à Sorel également. Puis ma cousine m'a confirmé que c'était vraiment une personnalité très appréciée là-bas à Sorel. Oui, dès vendredi matin, à ma chronique habituelle du week-end de la radio de Sorel, j'ai mentionné au confrère Morning Man que on avait pris la décision avec Alain Fortier, vu qu'on faisait le match de la soirée, qui devait être un match heureux en honneur de Christian Deschênes, qu'on avait décidé d'emblée la veille au soir d'honorer Normand Gravel et de lui dédier le match Téléweb. C'est ce qui a été fait et je peux te dire que ça a été avec trémolo dans la voix à plusieurs moments, surtout lorsque tu es sur la passerelle, tu décris début de troisième période, et tu vois arriver le frère et le neveu avec le panier, les billets pour le moitié-moitié derrière toi. Habituellement, c'est lui qui te tapait dans le dos. C'est spécial. J'ai essayé d'aller le regarder. Là, il est disponible maintenant. Donc hier, je suis allé voir sur Média en direct pour aller voir un petit peu, aller jeter un coup d'œil, puis il était pas là, mais là, je viens de voir qu'il est disponible, ce match-là. Donc les gens qui peuvent aller voir, ça les intéresse, MediaEnDirect.com. Parle-moi de cette cérémonie en l'hommage de Christian Deschênes. Oui, ça a été une belle cérémonie sobre d'une vingtaine de minutes où dans ses 21 ans de carrière, une année, Midget 3 à Sorel, 3 ans junior majeur à Val-d'Or et son entraîneur était sur place du temps. C'est le commissaire actuel de la Ligue nord-américaine, Richard Martel. Oui, et il y a eu 17 années dans la Ligue nord-américaine avec Sherbrooke, Thetford et Sorel Tracy. Donc, Yannick Lévesque de RDS était sur place également. Dan Bissonnette, qui a dirigé à Thetford et à Sorel, et plus précisément pas à Sorel, mais à Sherbrooke et à Thetford, Christian Deschênes, et qui a remporté à Sherbrooke la Coupe Futura avec lui, était aussi sur place. Et Christian est arrivé le premier, et là est entré son père, Jacques Deschênes, avec le chandail des riverains du Richelieu. A suivi Jenny, son épouse, avec peut-être un des plus beaux chandails de la soirée, celui des Foreurs de Val-d'Or. Les 4 enfants de Christian, avec 4 chandails, celui de Thetford, celui de Sorel et 2 de... il y a eu Sherbrooke. Et les petits-enfants des frères à Christian également. Donc, 11 personnalités et 11 chandails, les 11 chandails de ses 21 ans. On a remis une gerbe de fleurs à Jenny et on lui a remis un très beau tableau qui est rouge, noir et blanc aux couleurs des éperviers actuels, qui est une belle toile, là, je dirais, d'environ 4 pieds par 4 pieds, qui va aller dans son bureau et qui va rappeler son bon moment. C'est une manière de dire, on peut pas hisser la bannière dans le toit du Colisée Cardin, mais regarde, on te fait une belle bannière personnalisée en cadre dans ton bureau. OK. Hey, j'ai vu expansion dans la Ligue nord-américaine de hockey. J'ai vu passer ça. Ça s'enligne pas mal vers Québec? Il y a 5 ans, Donald Brashear, à l'époque qu'il jouait pour l'Étoile de Rivière-du-Loup, avait manifesté l'idée lorsqu'il était devenu un des 3 actionnaires d'un complexe de 3 glaces, si mémoire ne me fait défaut, à l'ancienne Lorette, d'amener une concession de la Ligue nord-américaine. Oui, mais à l'époque, Radio X aussi de Québec, faut oublier le Radio X dans le temps. Là. C'est ça. Il avait été là par la suite avec les 3L. Et on sait qu'on a 2 anciens de la Ligue nationale de la région de Québec qui ont pris leur retraite depuis. À 3, ils ont parti ce complexe sportif-là. Et il avait l'idée d'une équipe de la Ligue nord-américaine. Mais le commissaire du temps, elle disait toujours, lorsqu'on lui posait la question, Michel Godin, non, je veux pas Québec, les Nordiques vont revenir, ça sera pas bon pour nous. Mais les Nordiques sont pas là, puis les Nordiques reviendront certainement pas. La vision du commissaire actuel, Michel Godin n'étant plus là, celle de Richard Martel est tout à fait différente à l'opposé, qui ne sait rien à rien. Donc, il s'est dit, oui, ça serait bon. Parce que, dans la vision de Martel, qui est un gars de communication comme toi puis moi, les bonnes concessions, aujourd'hui, se doivent d'être dans un marché Saguenay en est un. Trois-Rivières en est un second. Rivière-du-Loup en est un troisième. Où tu dois avoir une radio locale, un quotidien du matin local, un hebdomadaire de semaine et également des télévisions. Et ce qui n'est pas à Thetford, Sorel et Saint-Georges en ce moment, mais dans les trois autres villes. Donc, en parlant de Québec, tu vas pouvoir aller rechercher le gros marché du Journal de Québec et du Soleil qui pourrait reparler davantage de Thetford, de Saint-Georges et de Rivière-du-Loup. Moi, je dis que c'est un plus. Et là, c'est de voir où en sont les négociations. Il y a de l'autre côté une possibilité également de Grand Bay et de Saint-Jean. Je vais croire plus au marché à devenir Grand Bay, on ne sait pas quand, mais ça peut être dans un an ou deux ans, le jour où on ne voudra plus au Cégep et à la ville du Junior 3A, mais pour avoir cette semaine fait quelques téléphones, il est de bon à dire que ça semble maintenant acquis que pour un an ou deux encore, il y aura du Junior 3A. Et je pense de plus en plus que Grand Bay est peut-être une ville souhaitée, parce que cette ville a aussi une radio locale, un quotidien local qui appartient au même groupe que le Soleil, que également la Tribune de Sherbrooke, ou même on pense à la Voix de l'Est à Grand Bay, une radio locale M105, et il y a les télévisions de Sherbrooke qui sont prêtes. Et l'amphithéâtre a déjà eu la Ligue junior majeure du Québec et a déjà eu la Ligue nord-américaine. Saint-Jean, mes dernières informations me disent que la Ligue senior 3 du Québec, qui a 10 équipes cette année, semble vouloir aller chercher deux nouvelles concessions pour l'an prochain et qu'elle aurait, Danny, à ce moment-ci, reçu deux nouvelles demandes. Une est Acton Vale et l'autre est, coïncidence, Saint-Jean. Okay. Donc, c'est, je pense, mieux pour faire du hockey à 600-800 spectateurs, le senior 3A, alors que dans la Ligue nord-américaine, tu as véritablement besoin de 1100 ou 1200 pour faire tes frais et ne pas perdre de sous. Ouais, c'est clair, c'est clair. Puis Lévis, Acton Vale, là, faut lire entre les lignes, là, puis je m'avance peut-être, mais un de ceux qui est bien établi là avec le baseball et avec le journal local, ben, coïncidence, c'est l'ancien directeur général de la Ligue nord-américaine, Michel Doré. Pour moi, 2 plus 2 font 4. Okay. Et il y a aussi à Saint-Jean des pourparlers qui disent qu'il y aurait des anciens de Laval parce que la Ligue senior 3A, tout comme la Ligue nord-américaine, ne veulent pas retourner dans le vétuste Colisée de Laval. Donc, il y aurait des anciens de Laval qui auraient fait peut-être une demande à défaut d'avoir la concession 3A à Laval, de l'avoir plutôt du côté de Saint-Jean. OK, OK. Puis Lévis, t'as pas parlé de Lévis pantoute? C'est arrêté pour l'instant. Parce que si les démarches vont très bien avec l'ancienne Lorette, mets tous tes œufs dans le même panier et va voir et tenter d'aller à l'ancienne Lorette. Je dis pas que pour dans deux ans, de passer de 8 à 10, Lévis, là, peut devenir intéressant pour te faire une division avec, et je pense notamment, exemple, l'ancienne Lorette, Lévis, avec Thetford, Saint-Georges, et aussi, on pense à Rivière-du-Loup. Et de l'autre côté, ben, pour l'instant, s'il semble plus probable Grand Bay et moins probable Saint-Jean, ben, on parlait beaucoup de Saint-Jean, on parlait beaucoup de Saint-Jérôme au cours de l'été et à l'automne. Maintenant, on pense plus Grand Bay. Ben, allons tenter le terrain du côté de Grand Bay, sachant déjà même aussi pour toi qu'il y a deux personnes en ce moment qui œuvrent au sein de RDS, le réseau des sports à Montréal, qui ont été approchées pour peut-être partir une concession de la Ligue nord-américaine à Grand Bay. Donc, moi, je dis, allons-y, continuons les efforts de ce côté-là. Puis, si dans deux ans, c'est à défaut de Saint-Jean, qui sait, la Prairie, ou peut-être on peut penser à Châteauguay, c'est un magnifique endroit aussi, ou même Valleyfield, si eux n'ont plus, à une certaine époque prochaine, du hockey junior 3A, ce sont des chefs-lieux où, je pense, on pourrait, avec une bonne organisation, ce qui n'avait pas été le cas dans le passé à Saint-Jean, à Valleyfield et à Saint-Hyacinthe, mais aujourd'hui, avec ce qu'on apprend du passé, et on est garant de l'avenir, moi je pense qu'il y a des possibilités du côté de la Rive-Sud, et là, tu ouvres encore le marché des médias montréalais et aussi du Journal de Montréal. Ouais, c'est justement ça, je voulais en parler du Journal de Montréal. Je suis abonné au Journal de Montréal. Puis un matin, j'ai vu un flash. Pourquoi pas avoir une petite chronique aussi dans le Journal de Montréal? C'est quelque chose d'intéressant aussi. Là. Le journal. Il faut sonder le terrain. Il faut appeler le directeur des pages sportives. Il y a une réponse qu'ils vont te donner assez rapidement que la Ligue nord-américaine n'a jamais compris, ne comprend toujours pas. Enlevez-moi vos matchs à Thetford le vendredi à 20h30. On va peut-être vous couvrir davantage. Pourquoi vous faites pas comme le junior majeur, le midget 3, le junior 3A, le senior 3A? Mettez-moi vos matchs à 19h30, on va vous couvrir davantage. Ouais. On continue d'y aller à 20h et à Thetford tous les vendredis depuis 22 ans à Thetford à 20h30. Pourtant, les matchs à Jonquière ou à Rivière-du-Loup, beaucoup plus loin en voyagement, sont à 20h le vendredi, mais on s'entête à Thetford de garder 20h30. Tant qu'on n'adoucira pas ça et qu'on n'ira pas du côté ce que demandent les grands patrons des médias nationaux, ben ils n'ont pas besoin de toi, mon Danny, si tu veux pas écouter. Effectivement. Gilles, un gros merci. On s'en parle mardi prochain. Avec plaisir. Bonne semaine. Commentaire hebdomadaire de Gilles Pilocchi.